Guy Lanneuf et Sylvain Étiré, envoyés spéciaux de mardi 8h, à peine arrivés dans la capitale de Ducôté d'ailleurs, ont déjà eu deux premiers contacts aussi étranges que bizarres et réciproquement. Poil au gouvernement. Et ils pénétrèrent plus avant dans autre lieu. Jolie ville, spacieuse, bien aérée, propre et riante d'aspect. Pas grand monde cependant, tout au moins au début de leur parcours. Car ils avaient à peine parcouru 500 mètres environ, que l'ambiance changea du tout au tout. Des gens allaient, venaient, partaient, revenaient, repartaient. Des groupes se formaient, se déformaient, se reformaient en un va-et-vient continuel et de plus en plus brillant. Bientôt, ils eurent du mal à se frayer un chemin au milieu de la foule qui augmentait de minute en minute jusqu'à ne plus former une sorte de conglomérat mouvant et glapissant. Foule éminemment sympathique et bon enfant au demeurant. Des cris, des chants, des flonflons s'élevaient de toutes parts. Des lazzis, des plaisanteries, des interpellations fusaient et s'entrecroisaient. En levant les yeux, ils s'aperçurent que toutes les fenêtres, tous les balcons étaient pavoisés. Et drapeaux, châles, mouchoirs, chemises, caleçons, draps, bas, chaussettes et soutiens-gorge formaient une guirlande chatoyante et bariolée du plus gracieux effet. « On arrive à point !» s'écria Guy. « C'est la fête au village !» Des pétards, des bombes, des fusées éclataient de tous côtés dans un boucan étourdissant. En bref, ça pétait de tous les côtés. Et d'aucuns, qui n'avaient pas à leur disposition d'éléments pyrotechniques, se débrouillaient tout seuls pour en faire autant par leurs propres moyens. On doit certainement commémorer un événement considérable, émit Sylvain. Sûr, dit Guy, qui, étant du même avis, n'avait de ce fait aucune raison de prétendre le contraire. Soudain, d'une rue adjacente, déboucha un étrange cortège, composé d'hommes d'un certain âge et apparemment pubères depuis un bon bout de temps. Ils étaient vêtus de smoking à manches courtes et de shorts à jambes longues. Le chef orné d'un chapeau bolivar, il défilait gravement en chantant la marche du Tannhäuser sur les motifs du boléro de Ravel. La foule leur fit un accueil délirant et leur jeta des seaux d'eau, des poignées de dragées et de portes en signe de contentement. Les marchands de glace biseautés, de pâtisseries, de charcuteries, de boissons rafraîchissantes faisaient des affaires d'or. Un crémier ambulant, pressé et débordé par l'afflux des chalands, débitait ses œufs à la pression pour gagner du temps. Entraîné, bousculé, traîné par cette marée humaine, contre laquelle il ne pouvait réagir, Guy et Sylvain furent projetés contre les grilles du jardin public, où se déroulait une grande bataille de briques et de melons fleuris au milieu de l'allégresse générale. Il parvint quand même, au prix d'efforts inouïs, à se dégager et à pénétrer à l'intérieur du jardin où se tenait, en même temps que la bataille fleurie, une monumentale kermesse. Des baraques en tout genre alternées avec des tréteaux sur lesquels les battleurs exerçaient leur talent devant des badauds attentifs et chaleureux. Les deux reporters, qui commençaient à prendre des notes à l'intention de leur journal, se dirigèrent alors vers une pelouse sur laquelle, à même l'herbe, un charmeur de bretelles était installé. Une paire de bretelles apprivoisées était assise sur ses pattes de derrière et faisait la belle devant son maître qui, pour la récompenser, lui donnait des boutons pression qu'elle se mettait gloutonnement derrière la boutonnière. « Quand même !» s'exclama Sylvain. « On n'a jamais vu ça à Paris. »« Ah, ben mon vieux, ici, nous sommes à Autrelier, du côté d'ailleurs, c'est différent. Je crois que le patron a eu une fameuse idée en nous envoyant ici. »« Ben n'oublie pas qu'ici, c'est pas ici, c'est ailleurs. »« Ouais, oui, ça va, complique pas, c'est déjà suffisamment embrouillé comme ça. » Une grande clameur d'admiration leur fit tourner la tête. Ils pressèrent le pas et se trouvèrent devant l'attraction numéro 1 de la kermesse. La grande parade des cheveux dressés. Et ce qu'ils virent les stupéfia, autant et même plus que s'ils avaient fumé un saladier de hashish, parmentier bien sûr. Un homme, tête nue, était assis sur un escabeau. Un autre homme, le dresseur de cheveux, costumé en beluaire, vint se placer devant lui, son peigne de dressage à la main. La foule haletait. Soudain, le beluaire poussa un cri. « Ouh !» Comme un seul homme, les cheveux se dressèrent sur la tête de l'individu assis. L'homme poussa un autre cri. « Ah !» Les cheveux se renversèrent en arrière, s'aplatirent, se redressèrent encore, puis s'accroupirent en faisant le gros dos. La foule éclata en bravo sans fin. À suivre. Thank you. Résumer les chapitres précédents. Guy Lanneuf et Sylvain Étiré, ayant été entraînés dans la grande kermesse d'autres lieux, sont positivement en extase devant un extraordinaire dresseur de cheveux qui vient d'exécuter la première partie de son sensationnel numéro sous les bravos néphrétiques, les bravos frénétiques de la foule. Poil à la semoule. L'homme fit un signe. La moitié de la foule se tue et c'est un quoi. L'autre moitié, c'est un quoi et c'est eux. « Mesdames, messieurs, annonça alors le belvédère, vous allez maintenant assister au clos de ce spectacle. Excusez-moi, c'est un peu de tout, oui. Mais quand j'ai de la toux, je m'en sers. Je vais avoir l'honneur, qui a pris le bonhomme là, je vais avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter un numéro unique au monde, un numéro sensationnel de haute école du cheveu unique. » Et il appela « Xavier, Xavier !» à cet appel, un cheveu, tout seul, rampa, et s'allongea sur le front de l'homme à l'escabeau. Le Belluaire fit claquer son peigne de dressage. Alors, ce qui se passa défie la description. Le cheveu, doucement, imperceptiblement, se leva sur lui-même, prit son élan, se détendit brusquement et se dressa tout seul, immobile, dépassant d'au moins 8 cm la masse des autres cheveux qui, sur un second claquement de peigne, s'étaient sagement rangés de chaque côté par paquet de 6. Et le Belluaire, se surpassant, rappela d'une voix très douce maintenant, « Xavier, Xavier, viens mon petit, viens !» Et le cheveu, s'inclinant gracieusement, vint lui lécher affectueusement la main. Une véritable ovation salua ce magnifique travail. Guy et Sylvain étaient littéralement subjugués. Sur une estrade, un peu plus loin, une sorte de cow-boy essayait d'attirer l'attention en attrapant des fourmis au lasso. Mais il faisait pas recette. Quand on avait vu le dresseur de cheveux, on ne peut plus rien voir d'autre, pas même ses proches parents. Les deux amis se remettaient à peine de leur admirative émotion lorsqu'un monsieur, richement vêtu, une gabardine à col de velours s'approcha d'eux et s'inclina cérémonieusement. « Pardon, messieurs, » fit-il avec une exquise courtoisie qui fleurait à 10 pas la bonne éducation et la friture andalouse, « permettez-moi de me présenter. Anselme Trugludu, représentant porte-avions. » Guy et Sylvain s'inclinèrent à leur tour, sans paraître s'étonner outre mesure. Après tout ce qu'ils venaient de voir, ils commençaient à être blindés. « Enchanté, monsieur, » dirent-ils. L'homme se dandina un bon moment sans rien dire. On sentait qu'il avait envie, non pas de satisfaire un besoin naturel, mais de demander quelque chose. Le silence menaçant de s'éterniser, Sylvain crut bon de le rompre. « Et alors, cher monsieur, dit-il, vous désirez un renseignement, sans doute ?»« Exactement, monsieur, et c'est ce qui m'a poussé, et je m'en excuse encore, à vous aborder un peu trop cavalièrement, peut-être, et un peu trop, comment dirais-je, allegro malantropo, c'est bien ainsi qu'on dit, n'est-ce pas ?»« À peu près, oui, mais il est néanmoins préférable de dire, en cette conjoncture tout au moins, ex abrupto. » « Oui, oui, oui, » admit le bonhomme en souriant, ça revient au même. « Et ce n'est à tout prendre qu'une erreur d'ignorance. » Guy commençait à s'énerver. « Alors, monsieur, dit-il, en quoi pouvons-nous vous être utiles ?» Le monsieur toussa pour se donner du courage, puis, domptant sa timidité. « Puis-je me permettre, messieurs, de vous demander si vous avez l'heure ?» Les deux copains échangèrent un coup d'œil. « Alors comment ?» chuchota Sylvain, puis à haute voix. « Certainement, monsieur, et nous ne craignons pas d'affirmer que peu de gens peuvent se vanter de posséder l'heure aussi bien que nous. » Un sourire béat éclaira le visage de l'homme un peu inquiet jusqu'alors. « Dieu soit acheté !» s'écria-t-il. « Loué, loué seulement !» rectifia Guy. « Oui, c'est ça, excusez-moi. Alors, messieurs, puisque vous avez l'heure, pourriez-vous me la donner ?»« Mais bien entendu, avec le plus grand plaisir. Eh bien, messieurs, dans ce cas, au risque de vous importuner, mais je vois que j'ai affaire à des gentlemen, s'il vous plaît, quelle heure est-il »« L'heure que vous voulez, » répondit Sylvain. « Ah, alors j'avance. » Et il remit sa montre à l'heure. Puis, se confondant en remerciements, « Je vous suis, messieurs, profondément reconnaissant du signalé service que vous venez de me rendre. Aussi, messieurs, je vous prie, touchez-la. »« Oh !» firent les autres offusqués en reculant d'un pas. « La main, messieurs, la main, qu'alliez-vous penser ? » ?»« Et j'ajouterai, messieurs, avec votre permission, que j'ai rarement rencontré des jeunes gens aussi complaisants que vous. »« Vous êtes trop aimable, » protesta Guy. « Non, non, je vous le dis comme je le pense. Et nous, on l'entend comme on l'écoute. » L'homme s'éloigna, puis se ravisant, revint sur ses pas. « Mais dites-moi, messieurs, s'en quitte-t-il, n'êtes pas d'autre lieu ?» Ah, non, on ne peut rien vous cacher, répondit Sylvain. Est-il pas indiscret de vous demander ce qui vous a amené en notre bonne ville ? Une bagnole, dit Guy. L'homme sourit. C'est un aimable et joyeux farceur, monsieur, mais encore. Au nom de Paris, répondit Guy, un tantinet agacé. Effectuez un reportage sur autre lieu pour le compte de l'hebdomadaire mardi 8 heures. Les yeux de l'homme s'agrandirent et ses joues s'empourprèrent. Vous en êtes sûr ? S'exclama-t-il. Ben évidemment. Parce que, n'est-ce pas, si vous n'en êtes pas absolument certain, vous pouvez revenir sur votre déclaration. On vous en saura gré, messieurs les jurés, vous en tiendront certainement compte. Cette fois, la mesure a été comble. Mais enfin, monsieur, éclata Silva, qu'est-ce que ça signifie ? Vous êtes faux, non ? Mais évidemment, monsieur, que je suis fou, répondit l'homme sans se troubler. Sans quoi vous pensez bien que je ne vous tiendrai pas des propos aussi incohérents. À suivre sans en avoir l'air. Guy et Sylvain viennent d'être interpellés d'une façon plutôt saugrenue par un quidam quelque peu farfelu, poil à pied plus. Bon, un autre quidam intervint. Il était vêtu, comme l'autre, d'une gabardine, mais celle-ci sans col. Un brassard entourait son bras droit, portant cette inscription « Contre-espionnage ». Et sur le bras gauche, un autre brassard où on lisait « Service secret, deuxième bureau, troisième tiroir ». Le premier quidam lui murmura quelque chose à l'oreille. « Très bien, fit-il, oui. » Puis s'adressa à un de nos amis. « Alors, comme ça, il paraît que vous venez de Paris. » Guy et Sylvain hochèrent la tête affirmativement. « Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de montrer vos papiers ?» Les deux reporters s'exécutaient. Guy sortit de sa poche un morceau de papier d'Arménie et Sylvain un bout de papier d'emballage. L'homme, sans sourciller, les examina attentivement, puis les leur rendit. « Est-ce que, reprit-il, ne seriez pas par hasard, messieurs Guy Lanneuf et Sylvain Étiré, envoyés extraordinaires de mardi 8h ?»« Vous avez mis le nez dessus, » répondit Guy. « Vous l'avez bien dit, » s'écria l'homme qui avait demandé l'heure. Sans répondre, l'homme du deuxième bureau sortit un sifflet de sa poche, le porta à sa bouche et en tira un son aigu. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'il est humainement possible de tirer d'un sifflet, à part un son grave, mais c'est très rare. D'aucuns coupeurs de poils en huit diront peut-être que s'il est en bon état, on peut encore à la revente et à la rigueur en tirer une pièce d'un 0.75. C'est possible, mais difficile, car depuis le marché commun, le sifflet d'occasion est très peu démodé. Demandé par la même occasion. Bon, oui, on peut insister. Donc, l'homme tira un son aigu de son sifflet. À cet appel, une dizaine d'agents en uniforme du même nom accoururent au pas gymnastique et stoppèrent pile en adoptant la formation en hérisson, c'est-à-dire 3x2 et 4x7. Vous allez immédiatement conduire ces deux hommes au palais du gouvernement. Vous en êtes responsable. À la moindre tentative de fuite, tirez à vue. Allez, exécution! Les 10 argousins, qui appartenaient à la brigade spéciale des pèlerines roulées, entourèrent les deux amis. « Mais enfin, hurla Sylvain, c'est insensé, je proteste contre ces... Je bafouille, mais oui, contre ces inqualifiables arbitraires, de quoi bafouiller d'ailleurs. Nous n'avons rien fait de mal, appuya Guy. Nous ne sommes pas des malfaiteurs. »« Mais messieurs, s'étonna l'homme, qui vous parle de ça ? Vous n'avez donc pas compris ? Mais messieurs, vous êtes les bienvenus en notre cité. Et c'est en votre honneur qu'autre lieu est aujourd'hui en fête. Nous espérions votre arrivée pour hier et depuis 24 heures. » Notre bien-aimé gouverneur ronge son frein à tel point qu'il a fallu en changer les garnitures à 3 reprises. Les deux amis, sidérés, n'en revenaient pas. Mais alors parvint à articuler Guy. Mais pourquoi toutes ces mesures de police ? Mais voyons, vous protéger contre l'enthousiasme de la population ? Il avait parlé trop tôt et trop fort. Car depuis quelques instants, les curieux s'étaient amassés. Ils avaient écouté et entendu la conversation, et dès que l'identité des reporters fut connue, ça ne traîna pas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En un clin d'œil, manège, sand, baraque, furent désertés. Une foule délirante, balayant le service d'ordre, en un tour de main s'abattit sur Guy et Sylvain abasourdi. Tout le monde criait, hurlait, vociférait des paroles de bienvenue. L'État qui les toucherait, les embrasserait, les féliciterait. On leur serrait les mains, les bras, les jambes, le cou, et ceux qui étaient trop éloignés pour leur serrer quelque chose, serraient ce qu'ils pouvaient. Dans la bousculade, la main d'une grosse dame s'égara dans le pantalon des boutonniers de Sylvain. Elle n'en ressortit pas toute seule, comme bien l'on pense. Houspillée, secouée, ballottée, triturée, congratulée, plottée, pincée, bousculée et en définitive, aux trois quarts assommés, nos deux amis épuisés mais ravis, savaient plus où donner de la tête. D'autres agents, mandés en toute hâte, arrivèrent à la rescousse et tentèrent mais en vain de disperser la foule. Rien n'y fit. Et ils furent, comme les premiers, balayés comme de vulgaires feuilles mortes par le vent d'autant. Et finalement, cependant qu'une musique mi-militaire, mi-civil et mi-bémol joué en leur honneur. Voulez-vous de la sueur de Vincent Dindy ? Et sur les épaules, les supporters fanatiques, ils furent portés en triomphe jusqu'au palais du gouverneur, au cri mille fois répété de « Vive Guy Lanneuve ! Vive Sylvain Étiré ! Vive Marc Débiteur ! Et vive la caisse autonome d'amortissement !» À suivre avec application. Guy Lanneuve et Sylvain Étiré sont portés en triomphe par la foule enthousiaste jusqu'au palais du gouverneur. C'est alors que, alerté par télégraphie optique, la police montée intervint. La police montée d'autres lieux, sorte de garde prétorienne, est composée d'éléments d'élite. Elle est formée par des groupes d'hommes à pied, portant chacun un collègue sur son dos. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la situation fut rétablie, les manifestants refoulés et nos amis, qui n'en pouvaient plus, enfin dégagés. Ruisselant de sueur, ébouriffés, plus qu'aux trois quarts déshabillés, fripés et cabossés, ils furent un continent conduit par les huissiers du palais, chaîne d'arpenteurs au cou, jusqu'à la teinturerie gouvernementale, où ils sortirent quelques instants plus tard, superbement retapés et entièrement mis à neuf. Les huissiers les récupérèrent, alors, et, après avoir fait un constat en bonne et due forme, conformément aux devoirs de leur charge, les amenèrent jusqu'à un petit salon d'attente. « Daignez prendre place, messieurs, dit l'huissier en chef. Monsieur le gouverneur est à vous dans un instant. Ne vous impatientez pas, ça ne va pas tarder à être long. » Et il leur remit à chacun un jeu de 32 cartes transparentes pour que l'attente ne leur parût pas trop fastidieuse. « Eh ben, dit Guy, dit Sylvain, quelle aventure. C'est formidable, extraordinaire, inouï, fantastique, ahurissant, renversant, catapultant, impressionnant, affolant !» Ils en étaient là de leur flatteuse appréciation lorsque la porte s'ouvrit à deux battants. Un héros d'armes, au sourire très doux, suivi d'un seul housard qui les met entre tous pour sa grande bravoure et sa haute taille, s'immobilisa, sonna dans un olifant, qui rendit un son rapport et annonça « Son Excellence Alexandre Le Hian, gouverneur général d'autres lieux !» Il s'orpaya un bon coup d'olifant et s'immobilisa, figé dans un garde-à-vous impeccable. Et Alexandre Le Hian apparut, le visage épanoui, les bras tendus, entouré de ses familiers et de la considération générale. Clovis du Tilleul n'avait pas trompé nos deux amis. Alexandre Le Hian répondait fidèlement, à, point par point, au portrait qu'on avait succinctement brossé le subtil chef de la documentation de mardi 8h. Haut en couleur, large d'épaule, le gouverneur d'autres lieux ne mesurait pas moins de 1m85 des pieds à la tête et pas plus de 1m90 de la tête aux pieds. De beaux cheveux blancs, des yeux clairs, pétillants de malice, des sourcils broussailleux, la moustache négligemment taillée aux enfants des Loirs, il respirait la santé, l'énergie, la bonté et la joie de vivre. Bref, un personnage éminemment sympathique. « Ah ah ! Voilà nos deux gaillards » s'écria-t-il en leur serrant cordialement la main. « Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait faire un sacré bonsoir de vingt dieux de mauvais sang. Je demandais ce que vous étiez devenu. Enfin, vous voilà. Tout est pour le mieux. » Puis, s'adressant à son entourage, « Messieurs, vous présente Sylvain Étiré et Guy Lanneuf, envoyés extraordinaires de mardi 8h, qui viennent en notre bonne ville d'autres lieux pour églaner tout ce qu'il y a à moissonner et que je vous prie de considérer comme les autres pour le meilleur et pour le pire. Le tout, conformément à la loi du 6 octobre 1932, modifiée par le décret du 16 janvier 1936 et annulée en date du 22 mai 1945 par l'ordonnance du 18 février à 6 de la dernière décade. Toute la potée s'inclina profondément. Tous ces messieurs, explique Alexandre, aux deux jeunes gens légèrement intimidés, sont de hauts dignitaires de la province d'autres lieux. Je vous les présente en gros. Nous ferons le détail par la suite. Pour le moment, nous avons autre chose à faire. « Allez, vous autres !» ordonna-t-il à ces messieurs. « Tirez-vous et que ça saute !» Ils ne se le firent pas répéter deux fois. Ils sortirent à reculons, ce qui n'alla pas sans bousculade ni chute prématurée. « Et maintenant, mes amis, reprit le gouverneur, donnez-vous la peine de vous asseoir. Si ce n'est point abusé de votre bienveillance, excellence, dit Guy, nous préférerions rester debout. Eh bien, mais qu'à cela ne tienne, restez debout. Merci, firent-ils ensemble. » Et ils s'assirent. « Excellence, commença Guy, nous avons une lettre d'introduction à vous remettre de la part inutile, mes enfants, coupe Alexandre, je suis au courant. Votre brave et commun ami du Tilleul m'a prévenu de votre arrivée, ce qui fait que votre lettre d'introduction, vous pouvez sans grève vous la mettre poil au nez. À suivre tranquillement. Guy et Sylvain sont reçus chaleureusement par son Excellence Alexandre Lehian, gouverneur général d'autres lieux, capitale de du côté d'ailleurs. À ce moment, l'on frappa et une accorde soubrette apparut. « Vous n'avez besoin de rien, Excellence ?» demanda-t-elle. « Non, ma fille, merci. Très bien, Excellence. Je vous l'apporte tout de suite. » Et elle s'éclipsa. « Vous avez là une camériste bien stylée, Excellence, » admira Sylvain. « Oui, c'est une brave petite. Faut dire que son fiancé est gardien de jour dans une boîte de nuit. » « Je ne vois pas très bien le rapport, » dit Guy. « Moi non plus, mais il faut bien quelque chose pour alimenter la conversation. Et parlons un peu de vous, voyons. J'ai qu'en hâte de vous connaître davantage. » Voyons, dit-il à Sylvain, quel âge avez-vous ? 27 ans, Excellence, 27 ans. C'est un bel âge. Ah, j'avais encore 27 ans. Enfin, la vie est un étau dans les mâchoires duquel on sent bien peu de choses. Et vous, mon jeune ami, dit-il alors à Guy ? 8 ans, Excellence. 8 ans, étonna-t-il. Oui, Excellence, tout au moins légalement. Fit le gouverneur. Et vous expliquez, Excellence. Je suis né le 29 février d'une année bissextile. Mon anniversaire, donc, lui revient tous les 4 ans. Bon, ce qui me fait une année d'âge officiel par groupe de 4 années officieuses. En bref, j'ai donc 8 fois 4 ans, soit un total de 32 années. Mais en réalité, pour l'état civil, j'ai 8 ans. Félicitations, mon ami, car pour un gamin de 48 mois, êtes foutrement avancé pour votre âge. Alors, vous êtes comme ça tout d'heure porteur. Oui, Excellence. Et qu'avait votre père, ami Guy ? Il est magistrat. Ah, magistrature debout, magistrature assise. Magistrature accroupie, Excellence. Il est magistrat cycliste. Magistrat. Oui, Excellence. Il est juge à l'arrivée au Parc des Princes. Bon. Ah, ah. Voilà qu'il manque une rare connaissance des lois de la piste et du code de la route. Et votre père, Sylvain ? Il est ex-administrateur de colonie, Excellence. Joli poste. Et quelle colonie ? Colonie de vacances. Eh bien, mes enfants, vous mentez d'avoir des parents qui font honneur à leur pénigré. Et comment ça va ici ? Je m'excuse, Excellence, dit Sylvain, mais il me semble que vous devez le savoir mieux que nous. Alexandre Lehian daigna sourire. Vous me saisissez mal, mon jeune ami. N'oubliez pas qu'à autre lieu, vous êtes du côté d'ailleurs. Donc, quand je vous demande comment ça va ici, ça signifie comment ça va là-bas, comprenez-vous ? Parfaitement, parfaitement. En somme, ailleurs, c'est ici, et ici, c'est d'ailleurs. En un sens, oui, quoique ce ne soit pas tout à fait exact. À la vérité, ailleurs, c'est là où vous êtes, et ici, c'est là d'où vous venez. Réalisez-vous la nuance. Bien sûr, firent-ils en cœur. Remarquez, ajouta Alexandre, faut rien exagérer. Surtout à l'égard des étrangers qui, comme vous, ne sont pas familiarisés avec cette forme particulière de lieu. Le principe étant admis une fois pour toutes et toutefois pour une, nous fermons les yeux si d'aventure quelques licences involontaires est prise. En ce qui nous concerne, nous y retrouvons toujours. En conclusion, il convient de ne pas trop approfondir, car quand on commence à vouloir ergoter et discuter sur les actes valeurs d'ici et d'ailleurs, on n'en sort plus. On finit par s'embrouiller, et on arrive à ne plus savoir si ici est là, si là est ailleurs, si c'est ici est là, ou là si cela est par ailleurs, ou encore si c'est ici là et ailleurs, qui sait. Bref, ça se termine généralement par une salade impossible ou par une tyrolienne. Depuis un instant, les regards de Guy étaient attirés par le très beau portrait accroché au mur d'un fringant militaire, en grande tenue, chamarré et bardé de décorations, mais dont l'attitude ne laissait pas que de paraître quelque peu surprenante pour un œil non averti. Car ce brillant officier était incontestablement à cheval. Elle se voyait, à ses jambes résolument arquées. Mais, détail étrange et non sans importance, il avait en fin de monture une sorte de morceau de carte en rectangulaire sur lequel on lisait 2995. Alexandre surprit le regard de Guy. « Ça vous intrigue, jeune homme ? » s'écria-t-il. « Mon Dieu, oui, Excellence. N'est-il pas indiscret de vous demander la position exacte de ce bel officier ?»« Nullement. Tel que vous le voyez, il est à cheval sur l'étiquette. » Et qui est-ce ? Alexandre devint grave. C'est, ou plutôt c'était, un de mes plus vieux amis, le comte Mérevet Aldébaran du Pont-Levis de la Dossière. Un fort brave homme, quoique un peu rusto. Pendant plus de 20 ans, il a été attaché à mon gouvernement en qualité d'inspecteur général à la défense de Fumée, et à la défense de déposer des ordures sous peine d'amende. C'était un sacré gaillard, un sacré damné trousseur de filles. Ah, je le revois encore, le bougre, quand il était en bonne fortune et qu'il venait me glisser dans le tuyau de l'oreille en clignant un œil égrillard. Excellence, il va y avoir récréation enfantine ce soir. Ah ah, m'écriai-je, le sourcil interrogateur, quoique sachant parfaitement où il voulait en venir. Oui, excellence, ce soir, j'amène Popolo au cirque. Ah, ce qui était là n'est-il pas vrai? Un charmant euphémisme. Sacré Mérovive. Et il est mort, demanda Sylvain. Oui. Il aura de ça 3 ans, aux endives prochaines. Et de quoi est-il mort? D'un manque de savoir-vivre. Ça ne pardonne pas, murmura tristement Guy. Oh non. Surtout chez un homme comme lui qui, comme vous le voyez sur ce portrait, ne badinait pas sur le chapitre des convenances. Et au souvenir de son vieil ami disparu, Alexandre écrasa furtivement une larme sous son talon gauche. À suivre patiemment. Thank you.